est au bas, je vois la vie rose. Il me dit des mots d'amour, des mots. Je sais quel supplice. Mais on va essayer de la faire groover. Hein. To make some groove on it. If we don't make it groovy, you know, it will be very, very bad. Let's see. Thank you. Start on the road that brought the glory.

merci Jérôme, tu nous as perturbé entre le sol bémol et puis le la. J'étais complètement perdu, tu vois, sans vraiment réfléchir. C'est la même chose, bordel, A bémol. Là, c'est ça, c'était la bémol, et toi, tu nous as foutu en sol bémol, quoi. Oh là là, complètement perdu. Bon, là, on se fait un petit creep, juste comme ça, avec le rythme que Bernie il impose, quoi. Sinon, je mets un peu d'accord un peu dessus. Tac, tac. Thank you. Thank you. j'observe les accords. Hein. Jamais je n'aurais pensé. Ma guitare est complètement désaccordée. Mais ça, vous l'avez bien entendu, celui-là. Oh, okay. Qu'est-ce que vous faites faire, là? Putain, accélérez, là. Je raccorde ma guitare. Là. C'est même pas ça, quoi. Qu'est-ce qu'il me fait? Il me dit comme ça, des... Sinon, on se tape les premiers accords et puis on voit ce que ça donne. Qu'est-ce que vous me faites faire, là? Non pas que j'ai honte, mais j'aime bien, mais bon. Femme en train de me regarder. Non, Crip, non, c'est une approche différente. Enfin, pour moi, à mon sens, Crip, c'est une approche différente. C'est trop long. Viens, on augmente le tempo là. Allez, à 110, hop. Les gars, vous voulez faire quoi, Crip? Que tu veux que j'augmente pour la voix? Ok. Ouais, laisse-moi voir. Enfin. Accélérer. Ça me paraît bien comme ça. Grosse distorsion, quoi. Je vais le faire comme ça, en rock, hein. Celle-là. J'avais peur.